get the woman. Quand elle pleure, j'ai comme impression que le monde entier est en deuil. Yeah! Imbécile soit le courage, permettant à certains hommes d'être la cause de ses larmes. Le tout puissant nous leur a confié, et tant qu'elles sont à notre portée, nous devons les protéger. Certains s'en foutent de ce qu'elle pourra ressentir, en l'infligeant des cicatrices difficiles à refermer. Non, mon respect envers la femme restera éternel. Maman, de par sa création, elle porte le monde dans ses bras. Just one respect, au nom du respect, car sans ces femmes, nous ne sommes pas des hommes. Hommes, hypocrites et menteurs que nous sommes, sans ces femmes auprès de nous, que deviendra le monde. Mama, my mother, she's only one. My wife, she's only one. And my daughter, she's only one. My mother, she's only one. My wife, she's only one. And my daughter, she's only one. Men, we must take care of the women. Brindale protección a la mejor creación. Naturales universales que nos dio la evolución. Son el alma del hogar o quizás futuras madres de familia. Las que por su pequeño sin pensarlo hasta la vida daría, cranearía, haría lo que nunca imaginarías. Violencia de género, algo absurdo. ¿Por qué destruir lo que Dios creó para darle lo mejor y no un laberinto oscuro, full tinieblas? Dime si te sientes con más hombría cuando los problemas arreglas ebrio y maltratándola, qué ironía. Medita y reflexiona, men, que tu madre y hermana son mujeres también. My mother, she's only one. My wife, she's only one. And my daughter, she's only one. My mother, she's only one. My wife, she's only one. And my daughter, she's only one. Men, we must take care of the women. I wonder why somebody gonna put a hand on this mother. People would like to be free. They would like to be another man. Show me how can you do it. Live a girl apart from mother's man. This world is so complicated. And when you see some ladies gone, women should be protected. That a home must be our duty, man. Sexy love, baby love. Bring a love and make me happy. Take me higher, let me ride. Let me feel the love you keep through. Oh yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. My mother, she's only one. My wife, she's only one. And my daughter, she's only one. My mother, she's only one. My wife, she's only one. And my daughter, she's only one. Man,